Putain, j'ai des baisses de tension, moi. Ah, c'est ce soir qu'il y a la comète qui passe, au fait. And I'm overdrawn, but I hate my reading, kick my feet, move my arm around, I'm moving my arm around.